C'était un soir près de la gare Montparnasse, un de ces soirs beau soir, cafard de joie, un de ces soirs mon pote, où c'est pas très jouasse, juste l'heure de la sortie du turbin, avec moi-même, j'avais un petit rancard, histoire de voir mon bilan de santé. Pas de chance, mec! T'es vraiment tricard, me disait le tout bébé, ben tu l'as poigné. Séropositif, bogué. Séropositif, bogué. Séropositif, bogué. Ah oui. Je me suis pointé voir mon petit amour. Quoique depuis quelques jours, j'avais l'air bête. Elle m'a dit, chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. Du moins, c'est ce que je médite tout seul dans ma petite tête. Séropositif, bogué. Séropositif, bogué. Séropositif, bogué. Avait lieu le rencard avec mes potes sur ma main, frangin de boulot. Jouer de la zic pour quelques dollars. C'est ma jeu. C'est vrai que je chiale un peu, je te raconte ma vie. Je me suis trouvé les veines n'en plus bandées. J'ai vu partir des potes jusqu'au fond de la lit. Rien à foutre de tout ça, on va tous crever. Tu parles de blues, d'avoir perdu ta job. Tous tes problèmes, y en a qui existent pas. Je te souhaite jamais on a poigné un vrai micro. Question, eh ben, il pardonne pas. C'est bon, positif, bogué.